Thank you.

Oui, je sais pas. Caster. Celui-là. Ça, je sais pas ce que c'est. It's not a song. Qui fait des interférences à fond la caisse là. Je sais pas pourquoi ça faisait pas.